key. The dog. Le rap, sa mère, nous relie des terres comme à la guerre. Si t'es pas mon rap, ben va liquer ta mère. J'encule la bac, l'état unique, le gros misère. J'ai grandi avec un handicap. Ça après, me revoilà avec mon rap. J'suis déterminé pour réussir. Si t'es bien mon son, mec, ça fait zizir. La faucheuse veut ma mort. Si t'as les couilles de venir dans mon univers hardcore. Et si ça fait pop, pop, pop, pop, pop, pop sur ton corps. Mon rap est là pour casser les caissons. Au-delà de mes têtes, j'veux provoquer les poteaux où elles sont. Y'a trop de boucan de nos jours en liberté. Mec, c'est la guerre dans nos quartiers. Ça tire tout en pratiquant la sérénité. Paix pour tous mes frères en tôle. Vite sa mère l'état, nous on vise le pactole. En fond c'était genre de révolution. La rue on la déteste mais on s'en sert. Nique Amadeo et nique les commissaires. Je maudis ceux qui ont pas cru à mon potentiel. Quand je rappe, je provoque des frissons. Écoute bien sous le vos sang. Ici c'est ce temps pour du son. Je rappe pour les mecs rusés. Les mecs balafrés. Les mecs coincés entre 4000 et 4000. Le meurtrier, les MC de nos jours, pour les rapatrier, oh yeah! On a la dalle! Ha ha ha! Freestyle 2009, gros! Le rap, ma vocation! L'album 2009! Fais tourner le son dans tous les caisses. Fais tourner ton jouet, le but dans tous les tests. Une pièce pour son film, mais on fait des millions de dollars. Chaque jour, mon rap risque d'avoir des peines de dollars. On a les mêmes gueules, mais pas les mêmes couilles. Et ouais, frère, c'est le son de la débrouille. Les condés, tous nos jours, sont en mode patrouille. Je rappe pas pour le fric. Je rêve de me faire entendre jusqu'en Afrique. Ma vie est loin d'être aussi rose. La vie m'a offert de poissons empoisonnés. Les gens de nos jours essayent de me détrôner. La rue est hardcore, barrée de tous les chemins. Unis quand c'est dur, ils disent qu'il y a trop de voyous. Discrimination égale agression. Dur de taper dans ce pays, merde en vie. On essaie de réussir l'état. Nous la mettons profond. Tous les moyens sont bons pour nous mettre au cachot. On a la dalle, ça toujours en flirte avec le gétan. Alors nique le haram. Tu vas te retrouver enchaîné dans les flammes. À cause des ragots, tes poteaux sont tombés au cachot. Nique le sentimental, j'rappe avec le mental. Chaque jour avec amour au fleur. Écoute bien la rue et hardcore. J'arrive ton rap, bang bang, c'est une métaphore. J'pratique le hardcore le plus attendu. Et les gros, n'essaye pas de détrôner mon véhicule.